La sixième race, c'est une nouvelle race humaine. C'est une nouvelle évolution. Les lois sont totalement différentes. L'homme n'appartient plus à la société humaine. L'homme travaille directement, consciemment, avec les forces de l'humain. C'est pas très clair, ce qu'on est. Hitler avait interprété la sixième race pour le bénéfice de la nation allemande. Voilà. Prenez le pas. C'est ça que souvent il me dit. Il dit, vous êtes chanceux, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas tant que vous le savez. Quand vous le savez, là, vous le savez. Il dit, à ce temps-là, vous ne pouvez pas le savoir. Vous le sentez de temps en temps. Mais vous ne saurez jamais. Vous ne comprendrez jamais jusqu'à quel point vous êtes chanceux tant que vous ne saurez pas. Puis, ah, d'ici à ce temps-là, mais il y en a toujours du tout. Attends, suivant les situations qui viendront dans votre esprit. Ça, c'est la condition du contact avec eux. Ils sont anti-égaux. Ils sacquent de votre égo comme un garant. Ils vont le mettre à terre. Et pour quelle raison qu'il y en a qui sont dans ça, qu'il y en a qui sont. Une question de l'ego. Quand tu en arriveras à ne pas pouvoir te demander cette question-là, c'est parce que tu seras encore plus en dehors de l'ego. La question, pourquoi moi, ça vient de lui. Pourquoi moi? Non, non, je veux dire, pourquoi qu'il n'y a pas de la chance à d'autres en dehors qui pourraient être ici, les autres ici? Tout le monde! Ce qui se passe dans la province de Québec, c'est simplement une canalisation de notre force. Je l'ai expliqué dimanche en conférence. J'ai dit, à Québec, c'est une cheminée. Ils construisent une cheminée vibratoire, un canal vibratoire au niveau de toute une population assez grande pour qu'eux autres puissent passer ensuite. Les conditions occultes de la lumière. Mais pas ce qu'il y a nous autres. Il y a du monde dans tous les pays du monde. Non, d'accord, mais je veux dire... Ils ne sont pas du groupe et qui peuvent être aussi sentis comme on veut. Les gens n'ont pas besoin d'être du groupe. Les gens n'ont pas besoin d'être ici. Ceux qui sont en Afrique et en Amérique du Sud qui peuvent être dans cette conscience, ils vont l'être dans cette conscience. Pensez-vous qu'il y a des moyens matériaux pour construire un pont entre la lumière et l'homme? Ça ne va pas de mon corps brûlé. Il y a toutes sortes de moyens pour construire l'homme, pour construire le canal. Seulement, il faut qu'il y ait un point, il faut qu'il y ait une base matérielle. Quelque part de cette conscience-là, dans le monde, puis c'est dans la province de Québec. Donc, c'est possible que mon corps, aussi soit dimensionnel, mais inconsciemment. Que dans chaque point. Vous êtes tous multidimensionnels. Donc, on peut retrouver une même sensibilité de moi dans un autre pays. Vous pouvez sortir de votre corps et être quelque part dans le monde pour travailler, vous ne savez même pas. Ah. En fait, je n'ai pas envie de dire. Vous ne savez même pas. C'est ça. Parce que votre niveau de conscience n'est pas assez élevé pour que vous le réalisiez, que vous travaillez à telle place, à tel pays. Je vous posais ça, parce que c'est un peu plus clair. Vous n'en sentez pas parce que vous n'êtes pas conscient. Quand vous en serez conscient, vous le serez. C'est le cas que vous sentez faire quelque chose et que tu ne fais pas, l'autre va le faire. Ça fait n'importe quel cours. Ça, tout le temps. Donc, si c'est censé se faire, il se fait. Automatique. Celui qui capte. Vous pouvez être quelque part actif, même matérialisé, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas de mémoire? Non. Vous pensez que vous êtes inquiet. Ah, non. C'est ça l'inconscient. Puis comme c'est plus l'affaire d'attitude, l'ego est plus impliqué là-dedans, automatiquement. Vous ne pouvez pas le savoir. Quand votre ego sera totalement transmuté en esprit, à ce moment-là, vous le savez. C'est ce que vous dites. C'est ça l'inconscient. Il est fort. Vous autres, le mal de l'intérieur, vous ne le voyez pas. Est-ce que vous ne comprenez pas son mécanisme? Vous nourrissez, vous ne savez même pas vous nourrissez. Un loup, le savoir. Vous nourrissez. C'est à ce moment-là que vous devenez dur vers l'extérieur. Vous ne nourrissez plus. On ne dit pas pourquoi c'est des forces sataniques qui sont si fortes sur la Terre. C'est normal. C'est bon, vous ne saviez pas ce que vous faites, ces autres. Moi, j'en connais quatre ici qui sortent. On se rencontre. Puis ils ne savent même pas. J'ai regardé les yeux, puis ils ne savent pas parler. Non, la semaine passée, était à Lima, même tout. Tu promenais des rues de Lima. C'est pas mal. T'en es rendu que tu promènes des rues de Lima, tu sais pas, Charlie. C'est une bouée de coke. Moi, on s'en va vers ça, de toute façon. On s'en va tout vers ça. Écoute, tu t'es dit, ben... Non, non, on s'en va. On recule en avance. Hein? On va pas dire qu'on recule, on avance au moins. Okay. Même si ça dépasse en temps, mais là, c'est maintenant. Non. Non, c'est tout. La vie, c'est un mystère. Tant que c'est pas un mystère. Quand c'est pas un mystère, je te dis que c'est n'importe quoi. Tu peux plus penser après ça. Tu viens fou, tu penses. Celui qui est à Lima, si je disais à l'état Lima, quoi. Non, disais à moi, je vois. C'est quoi, oui. Je pourrais donner une preuve qui est à Lima, puis encore, il courait là-bas. Il ne peut pas aller. Est-ce que peu, là, cette personne-là, mettons que tu disais, là, cette personne-là qui est ici, là, hein, qui est à Lima. C'est égoïque, mais. Est-ce que. Tu dois juger là-bas. Non, non. Ça m'a fait dire ça, le Jaramigo, là. Mon Dieu. Est-ce qu'en lui disait, il pourrait avoir quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui pourrait lui dire, il était là. Mais là, il pourrait avoir une certaine sensation. Il y a un petit flash de mémoire. Un petit flash de mémoire. Ah, ouais, j'ai fait quelque chose quand il est là. Il y a un petit flash de mémoire de ça. On est totalement inconscient. Mais on s'en va totalement vers la conscience. Tu sais, j'ai déjà dit, d'un séminaire, je ne sais pas où j'ai dit ça, j'ai déjà dit, soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit je suis totalement capoté ou j'ai totalement raison. J'ai dit rien par vous autres même que vous pouvez le savoir. Moi, je ne vous le dirai jamais. Moi, je passe. C'est par vous-même. C'est par vous-même que vous allez savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir. Moi, je vous montre comment savoir. Mais ça dépend nécessairement de chacun. Il y en a qui vont passer vraiment capoter, puis il y en a deux vont... Ça dépend toujours de chacun. Ça dépend toujours de chacun. Ça dépend où les gens sont dans le au point où on est rendu, là, on s'aperçoit que le capotage, là, il est loin d'être là. Parce que... On doit vivre de doute au bout. C'est pour ça que c'est important. Il y a quelque chose là que c'est vrai. Hein? Oui, je ferais. Les gens qui vivent, les gens qui vivent le doute dans leur expérience sont des gens qui sont enrichis par le doute. On était toujours dit, Bernard, que chacun a la raison. Alors, qui vit ce qu'il a à vivre? Si eux pensent que c'est pas vrai son affaire, ben pour lui, c'est qu'il doit vivre ça par moment. Jusqu'à ce qu'il en vienne à comprendre que c'est peut-être ça. Mm-hmm. Ce qui est plus dur pour nous autres, en tant qu'écho, c'est qu'on ne peut pas être sûr d'être sûr tant qu'on n'est pas sûr d'être sûr. Mm-hmm. C'est ça qui est le plus tough. C'est ça qui est plus cochon. Parce qu'ils se servent d'aucun pouvoir. Ils sont anti-pouvoir, ils sont bien les autres, ils sont anti-pouvoir. Fait qu'ils serviront jamais du pouvoir pour donner à l'homme une sécurité quelconque. Ils vont servir la parole, jamais du pouvoir. Fait que tu comprends que l'ego, il est laissé à ses propres expériences, à ses propres tempêtes intérieures, puis il détruit, puis il détruit. Puis notre sécurité est là. Moi, m'a dit une chose, comment ça s'appelle? Ouais. M'a dit une chose, Pauline. Tu rencontres bien du monde, j'ai vu bien du monde. Puis quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, quand je vous dirai, qu'est-ce que c'est ça? Moi, là, quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, il pourra me dire quelque chose, ce que je ne saurais pas. Je vous dirai. Mm-hmm. Et à ce qui me concerne, il y en a un aide qui peut me dire quelque chose. Nègre. Il n'y a pas un autre nègre. Fait que l'espace est bien étroit entre nous, l'humanité. Bien étroit. Nègre. Parce que vous autres, vous tendez vers la simplicité, là. Vous tendez vers le sud des dieux. Attends que vous sachiez qu'est-ce que c'est le sud des dieux. C'est quelque chose d'être sur les dieux. Mais en disant, qu'est-ce qu'il dit que ça veut dire, ça est sur les dieux? Tu t'expliques ça avec d'autres mots. C'est un état instantané. Ça ne discute pas être sur les dieux. Ça, là, c'est ton beam. T'es sur ce beam-là, t'es sur cette vibration-là. Ça t'amène wherever. Ça t'amène où? Celui qui est ajusté, qui est fusionné avec toi, il veut t'amener. Dans la même conscience. C'est ça. Si on n'est pas très bien quelque chose dans ton cœur, tu vas-tu reprendre ce que tu dis? Ah. C'est même pas du salut. Ce que tu lui dis, t'es sûr que tu peux le voir. Que c'est justement ce que l'autre doit entendre. On va toujours vivre le combat contre la mort. Une fois que c'est commencé, ça ne peut plus aller. On va toujours vivre. Comme lui, monsieur des cheveux grèves avec moi. Non, monsieur qui? Avec les lunettes. Monsieur Gérard. C'est un grand être spirituel. Un homme très spirituel. Puis lui, il va en arriver. D'ailleurs, ça commence un petit peu. Il va en arriver à se détacher de la forme spirituelle. Mais lentement. C'est-tu commencé? Avec vous? C'est fait? C'est bien important dans son évolution. Quand ça va être réellement bien, bien clair, là, à ce moment-là, il y aura une sorte d'anxiété intérieure qui va disparaître. Bien important. Moi, je suis assez tanné de la spiritualité, là. Je suis aussi tanné de la spiritualité. Des gens matérialistes sont tannés de la spiritualité. Des gens matérialistes, je veux rien savoir. Mais moi, ça m'est sûr, je veux rien savoir. Mais rien de l'autre bord. Comme tu prends une sandwich. Quand t'es spirituel, t'es prêt à la sandwich du matériel, pis t'es le mien. Pis c'est une maudite sandwich qui est difficile à gérer. C'est la plus grande des illusions créées à l'humanité. C'est incroyable. C'est la plus belle. C'est pour ça que c'est la plus dangereuse. C'est pour ça que les gens qui sont spirituels, qui ont été entraînés à la spiritualité, ou qui sont nature, quand ils en arrivent là-dedans à travailler avec ça, je te jure que

Non, non, ça marche. Mais en fait, là, tu envoies des trucs. Parce que quand tu recules, tu sentiments-là. Moi, t'en ai la moitié. Non, regarde, la sœur n'en avait pas. Tu me disais. Quand t'es réellement conscient, quand t'es bien, bien fusionné, tu es ce que tu dis. Ouais, ouais. Dis ce que tu dis. Fait que s'il y a du sentiment dans ce que tu dis, tu es ce que tu dis. Il y en a dans un peu du sentiment. Automatiquement. À combien de temps, demain, tu me dis? Ça vient de temps. Oui, t'as une vie de belle qui travaille. Non, je ne voulais pas savoir. Hein? On est beau à la Bible. On sait que le savoir, c'est... Il n'y arrive pas à la rendre. Il faut savoir qu'on sait. Puis, c'est qu'il nous faut aussi voir vraiment où on est. C'est facile de dire. Fait qu'il y a une frustration automatique. C'est ça qui déclenche. Bon, mais ça, c'est intéressant. C'est toujours une réaction. Comme là, j'ai écouté les cassettes. Tu sais, quand j'ai eu écouté les cassettes, j'ai eu une grosse réaction. Parce que moi, ça, j'ai eu toujours une réaction. Moi, tout de suite, ben, c'est tout beau. Ça arrive assez souvent. Après que j'écoute une série de cassettes, ah ben là, ça a été. Ça, c'est des goûts, toute l'affaire. Parce que le chapeau, des fois, ça va jusque là, puis toute l'affaire. Puis là, rendu à ce moment donné, je le sais, mais je vois exactement où j'en suis, parce que je me connais. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Mais je peux mentir à n'importe qui, mais pas à moi-même. Fait que c'est ça qui te font sentir, tu sais. Il y a un kick de ça, tu sais. Puis là, il dit, son égo, il est fort, mais tu vas pas. Tu contractes contre toi. C'est ça qui est écœurant. Ils sont top. Ben, ils ont rien à faire avec les goûts. Ils comprennent bien. C'est pour ça que toutes les initiations qui ont été vécues sur la planète Terre, hein, c'était toutes des initiations qui servaient à libérer un certain nombre d'hommes individuellement. Tu avais des sociétés secrètes, tu avais des maîtres, tu libérais un peu l'individu, mais c'était tout au niveau astral. Alors, les initiations, dans le passé, c'était toutes des initiations astrales. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va vivre une initiation à travers un homme de l'ordre d'une initiation astrale. Parce que même l'adepte tuerait le maître. Parce qu'il vient un point dans l'initiation solaire où l'ego, dans sa grande souffrance, rendu à un point où il est totalement libéré de la forme. L'ego, il peut tuer comme il peut. C'est sûr qu'il n'y a pas de la ouais. T'as peur de toi. Ouais, ouais. Mais c'est pas que t'as peur de toi, ça, c'est à cause de l'ego. Ce que je veux dire, c'est le point, il vient un point où le contact entre les forces admises et l'ego est tellement intense que l'ego. C'est comme si l'ego est trop dans la lumière. Il est trop. Si moindrement il y a une situation sur le plan matériel qui amplifie cette souffrance-là, l'ego peut faire n'importe quoi parce que là, à ce moment-là, il n'est plus pris dans la forme. Moi, je l'ai vécu dans l'expérience. Mais un homme ne pourrait jamais vivre une initiation solaire avec un homme. Un homme doit vivre une initiation solaire avec eux autres. C'est toi qui n'es plus de maître. Hein? C'est toi envers eux autres. En relation avec eux autres. Ah. C'est ta relation entre ton esprit et leur esprit qui t'amène à la vibration solaire. Pas horizontalement. Il n'y a pas l'âme vert. Une fois, je checkais un peu les autres. Puis, ils m'ont dit, le bas, c'est lui, de Tandil. Là, j'ai compris que mon. La mère, c'était pas mal. Ben, c'est évident. C'est évident. Tout le temps. Lui, il aime ça d'en compter des salaires. Parce que tu tombes dans le piège, je t'apprends ça, tu te redresses. Toi, tu tombes dans ta nouvelle, ça, tu souhaites l'air. Tu veux jamais t'aider dessus? Si quelqu'un empêche une imposition, à ce moment-là, bon, qu'elle soit détruite, quand les gens ne sont vraiment pas conscients, ils ne le veulent pas. Ouais, tu ne peux pas tuer sa tête. Dans la lumière, ce que tu peux faire, tu peux détruire un corps. Un corps, mais sur une autre planète, mais pas sur notre planète. Pour pouvoir détruire une vie humaine, il faut que tu en connaisses tous les aspects. Fait que si tu ne connais pas tous les aspects d'une vie humaine, tu ne peux pas détruire cette vie-là. Tu ne peux jamais détruire une vie humaine avec des moyens planétaires. Tu dois toujours détruire une vie humaine avec des moyens qui sont cosmiques. À ce moment-là, tu tombes sur une autre vibration, c'est une autre loi. Comme je l'ai expliqué avec une civilisation supérieure, si un enfant est mal formé, ils vont le détruire. Il ne savait pas. Il va retarder l'évolution de la civilisation, il va retourner le plan, pour ça, il va construire un autre corps pour venir un corps. Mais sur notre planète, on a trop de sentiments. Yeah. On a trop de sentiments. Oui, mais on commence à en avoir de moins en moins de sentiments. Oui, mais pour qu'on puisse. D'abord, il n'appelle pas ça de suite. Il appelle ça dématérialiser. Pour qu'on puisse dématérialiser un corps, il faut déjà qu'on soit dans un autre niveau de conscience. À ce moment-là, le problème de tuer existe. Tandis que cette planète, c'est tué, c'est meurtre. C'est un meurtre. On n'a pas le droit. Toujours un karma qui est. Mais eux autres, dans ta relation avec eux autres, ils peuvent t'amener à un point où ils vont tester la centricité de ton ego. Moi, ils m'ont amené à la centricité de mon ego. Je t'apprête à le faire. J'ai dit, t'es mieux de changer, bon, parce que là, j'y vais. Là, ils ont changé. Ça, c'est juste avant que je commence à parler. Bon, c'est similaire. Fait que là, dans cette centricité-là, là, l'énergie a passé pour les séminaires. Mais tu peux pas. Il part. Mais la relation entre l'homme et eux autres est toujours absolue. C'est relatif, l'absolu. La relation entre eux et autres est absolue. La relation entre eux et autres sont absolues. Tout est absolu. Tu parles de m'envoyer une image. Il m'a demandé comment tu s'appelles. Une relation avec son fils, elle a demandé une relation avec son fils. Abraham? Abraham. C'est un exemple. C'est un test. Ouais. C'est un moment où il y a eu... Là, ils l'ont arrêté. Ouais. C'est pas une nuit, non? Et Abraham, il pense avec, c'était final, Charles. Yes! S'il avait dit non, je le fais pas. Oui, ça va là. 5 un test pour sa propre résistance. Il faut bien du discernement pour leur dire non. Mais il sait, Abraham appartenait à 5 Abraham. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les initiés ne meurent plus sur la croix. Il n'y a pas un enfant en chaîne qui va me mettre sur la croix. Tu as oublié d'être prêt? Oui! Est-ce que tu dois attendre la fin du cycle pour passer sur un certain plan? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'Abraham, dans ce temps-là, pouvait passer sur un plan, ou tu dois attendre la fin du cycle pour aller sur un plan? Abraham, présentement, travaille dans un autre monde. Il y a un autre monde. Il revient depuis ici. Est-ce que c'est pareil comme c'est ceux qui sont venus là? Est-ce que tu peux passer dans un plan? Je vais peut-être dire être conscient de passer dans le plan. L'Inji veut se réincarner sur place. Je ne comprends pas tous les mêmes. L'Inji se réincarne pas, il s'incarne. S'incarne, moi. Il fallait que tu aies de la vie. Ah, ils ont des têtes de cochon. Ils ont des têtes de cochon dans ce sens. Ils veulent pas répondre à ces questions-là. C'est toi qui les confondais. Pour qu'ils sachent qu'ils veulent pas répondre à ces questions. Si on a une branche à faire, ils vont venir ici de faire. Il dit qu'on devrait... Oh, d'ailleurs, on va en aller. On en arrive à ce que ces questions-là, ça nous intéresse même pas. Faut qu'on arrive à plus n'avoir les questions. Parce que c'est une condition de l'ego. Faut qu'on en arrive à plus être intéressé à rien. À rien. Ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé. Ça, c'est partiellement une bonne réponse. Tout ce qui fait partie du passé, c'est mort. Ce que ça m'a donné... Mais quand je me suis dit, et là, je l'ai vu clair dans la situation, le mouvement que j'avais à faire. Je trouve que pour le moment présent. Mais c'était-tu la même décision que tu avais prise par toi-même? Et là, je l'aurais jamais su. Par moi-même. Ça a été à travers moi, là, c'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ça avant. Une minute avant que le mouvement arrive, que là, je me fais le mouvement. Dans l'instantané. Oui. C'est juste le moment présent. Oui. Ça sert tout de suite. Il dit que s'il répondait à toutes nos questions, il dit qu'il ferait, il retarderait notre évolution. Nous autres, on pense qu'elle avancerait. Je prends Arbeck comme exemple. Il y en a des questions, Arbeck. Là, il commence à en avoir un petit peu moins. Il retarderait notre évolution. J'ai des questions qui sont intéressantes. Puis tu m'as fait un set de questions. Je ne suis pas capable de les mettre en rire, par contre. Parce que je ne suis pas capable. Il faut que l'énergie passe. Il faut qu'il puisse les répondre, les questions. Hein? Il faut qu'il veuille les répondre. Puis c'était des questions bien intéressantes. Mais ils sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux à un niveau, à un point tel que vous n'avez pas de maudite idée. Quoi? On est anti-computer. Vous n'avez pas souffert, les autres, encore. Vous avez souffert un petit peu. Mais souffrir, les autres, vous n'avez pas souffert. Vous ne souffrirez jamais des autres comme moi, j'ai souffert. C'était écœurant, souffrir les autres. M'en dis comment j'ai souffert, les autres. C'est l'idée. C'est un bon temps. Moi, j'ai souffert le martyr mental. Ils disent Moi, c'est tout ça, là. Tout ce qui me reste à faire, c'est vous parler, puis vous parler, puis vous parler. Une fois que vous êtes ouvert, parlez, vous parlez, vous parlez. C'est quand même un rêve. T'as tous des touchés. T'as vu quand tu m'as dit, là, que je comprenais jamais ce moment. C'est pas nécessaire, non plus. Parce que, au moment où on fait une action ou on crée une décision, c'est de la faille, c'est pas comprendre ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que c'est. Ouais. C'est ta peine, c'est ça. Mais la faille, c'est tellement de douceur, Antoine, c'est tellement de douceur. C'est ta douceur. Il t'appelle la grande douce, la douceur. Quand, tant que tu as de la douceur, t'as pas, tu ne peux pas vivre ta force intérieure dans l'instant. Parce que ta douceur va te faire retarder ce mouvement-là. Donne ça. C'est un sentiment, c'est une énergie. C'est la souffrance qui détruit ça. En relation avec des événements. T'as dit ça. C'est ça qui te donne. Et douce. Lui, c'est un autre doux. Ça, c'est doux. Ah. Ça, c'est du miel. Et chacun est différent. Mais on passe tout à travers nos conditions. Il n'y a pas un homme pareil. Il n'y a pas une personne pareille. Ton mari, il n'est pas doux. Lui, il avance. Lui, il avance. Lui, il nous va toujours au bout de son lit. Tout. T'as un point, il fait. Lui, il nous dit la télé, je pense à rien. La télé, la fille, tu fais un bon. Et dans le haut. Lui, il fonctionne. Il fonctionne. Mais moi, c'est bon pour moi. Ça m'amène une patience, puis des situations, là, t'inquiète. C'est pas compliqué. Puis bonne d'avoir, je le dis. Autant j'étais impatiente, tout de suite, lui, moi, tellement de pénurie. Il m'a mis la patience, puis c'est ça qu'on me prend. Je suis capable d'attendre, mais faut pas être. M'emmener sur autant là, en principe. Toi, tu comprends-tu ton problème? Il est comme il, ton problème? Toi, tu vis un petit peu en dedans de tout, un petit peu en dehors de tout, un petit peu en dedans de tout, un petit peu en dehors de tout. Il dit, toi, t'as un doute quelque part. C'est pas qu'il est gros, ton doute. Il est long. C'est comme un fil. Vois-tu, vas-y? De temps en temps, il vient. Il est sorti. Mais ça, c'est tout le côté de ton intellect. Mais t'avances. Il dit qu'ils sont plus inquiets pour tout. C'est ça, craque. Tu as dépassé le cap, là, après 3-4 mois. 4. Un qui commence à dépasser le cap, c'est lui. Non, comment ça? Aimé. Comment ça? C'est un drôle de cap. Lui, il y a 3-4 dans son cap. Lui, il a le cap.